je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ludologie. On se retrouve comme tous les 15 jours pour parler de jeux et puis de jeux qui croisent plein d'autres thèmes. En début d'année, on a déjà commencé à en croiser quelques-uns, mine de rien, et puis on va continuer à creuser. On retrouve un invité que vous avez peut-être déjà entendu. On l'avait reçu l'année dernière pour nous parler du jeu et des corps. Il s'agit de Thomas B. Et puis pour l'interviewer, je suis en compagnie de Célène Tonon. Bonjour Célène. Bonjour. Et on va parler là pendant une heure avec Thomas de quelque chose qui est plus proche de son métier et un peu plus éloigné de ses pratiques de loisirs, quoique je pense qu'il nous en dira un petit peu plus, puisque aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui nous travaille depuis longtemps. Il fallait trouver quelqu'un qui ait un peu de bagage pour pouvoir en parler. On va s'intéresser à ce qui se passe dans le cerveau d'un joueur quand il joue, avant qu'il joue, après qu'il ait joué. Thomas, qui a un bagage de neurophysicien, va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Bonjour Thomas, je crois que tu voulais donner un petit préambule à ce podcast. Ouais, alors bonjour Solène, bonjour Manuel. Alors, déjà, je suis pas neurophysicien du tout. J'ai dit des bêtises, pardon. Voilà, donc non, mais c'est bien, c'est exactement bien, comme ça on va recadrer. Donc, ouais, donc j'ai un bagage, on va dire, un peu double. D'abord de biologie, donc au fur et à mesure de mes études, je me suis spécialisé en neurosciences, mais j'ai vraiment une formation très biologie cellulaire, physiologie. Démarré aussi à cause des biais liés à la fac de Paris 6 à Paris, on était très biologie, chimie, et puis au fur et à mesure on avait le droit de parler de cellules, au fur et à mesure on avait le droit de parler de tissus, de réseaux de neurones, et j'ai terminé en bossant en comportement, donc là t'as le droit d'avoir la souris entière qui fait des trucs. Et puis il y a maintenant 8 ans, je suis passé à l'humain, et je suis aussi passé à la recherche privée. Donc je travaille dans le domaine des dispositifs médicaux, dans les maladies du cerveau graves, à des stades qui passent les médicaments. Donc c'est des patients qui ne bénéficient plus des bons effets des médicaments, qui sont réfractaires, et donc il y a certains dispositifs médicaux qui peuvent les aider. Et donc je suis toujours biologiste, je ne suis toujours pas médecin, mais je travaille dans les études cliniques. Donc les types d'expériences que je fais, déjà en matière du design et des conclusions que je peux en tirer, sont complètement différentes. Et m'ont ouvert l'accès à l'humain, à toutes les questions éthiques et beaucoup plus larges que recouvre la médecine par rapport à la biologie. Donc j'ai conservé les deux approches. Je veux toujours parler cellules, molécules. Il y a un peu de physique fatalement parce que le cerveau, c'est un organe électrique, donc on est obligé de parler de ça. Mais il y a aussi tout le côté éthique et tout le côté traitement qui, des fois, va complètement à l'opposition du but de comprendre comment les choses marchent. Des fois, ce qui compte, c'est que ça apporte un bénéfice au patient, et comment ça marche, c'est secondaire. Pour un biologiste, ce sera un peu le contraire. Il voudra vraiment comprendre comment ça marche avant que ça donne un bénéfice, quoi. Cela dit, en tant que joueur et avec ce bagage-là, j'imagine que tu as un regard tout particulier sur les pratiques, enfin justement sur comment ça se passe dans la tête des gens, et notamment quand ils jouent. Enfin, en tout cas, c'est pour ça qu'on en avait un petit peu parlé avant, et c'est pour ça qu'on voulait t'interviewer là-dessus. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que je dois gamberger un petit peu plus que le joueur moyen sur ce qui se passe dans ma tête quand je joue dans la tête des autres. Et accessoirement, j'ai peut-être un peu plus d'ouverture d'esprit que le scientifique moyen. Alors, on est dans les stéréotypes, il y a énormément de scientifiques joueurs. Mais c'est vrai que notamment en médecine, il y a pendant longtemps eu des réticences à l'étude du jeu. Et même en biologie... J'avais lu quelques papiers par un gars qui s'appelle Panksepp, qui est génial, qui travaille sur la motivation, et maintenant avec des implications potentiellement en dépression. C'est une des rares personnes qui ont vraiment étudié le jeu, et il explique dans ses papiers que il a été complètement ostracisé et traité comme un malade, parce que pourquoi est-ce qu'on dépenserait du temps et de l'argent à étudier les mécanismes du jeu quand on pourrait s'occuper de Parkinson ou de ce genre de choses, quoi. Donc voilà, j'ai vécu les biais des deux côtés, les joueurs qui disent non, on est juste là pour s'amuser, faut surtout pas y réfléchir de manière scientifique, et puis du côté scientifique, non, c'est pour les gamins, ça sert à rien, quoi. Alors, pour commencer en tapant large, on va dire, et puis en donnant quelques bases, de savoir sur quoi on va discuter pendant l'heure à venir, ma première question, c'est, en gros, on est tenté de penser quand même que jouer, ça fait un peu chauffer les neurones, enfin, en tout cas, ça fait travailler le cerveau, mais concrètement, ça marche comment et c'est fait comment un neurone et plus largement le cerveau ? Alors, on va faire court, hein. Ouais, voilà, la version moyennement longue. Voilà, un neurone, c'est une cellule, donc voilà, comme la plupart des cellules, il y a une membrane de gras qui l'isole du reste de l'environnement. Au milieu, tu as un noyau avec de l'ADN dedans, et puis partout, il y a tout un tas de, à l'intérieur, de petits composants, de petits composés qui interagissent pour faire en sorte que la cellule puisse survivre et faire ce qu'elle est supposée faire. Donc ça peut faire tu vois, sécréter de l'acide pour ton estomac, mais ça peut être dans le cas des neurones, bah, notamment produire des courants électriques, faire balader de l'électricité le long de la cellule, et après dire à la cellule suivante, donc ça peut être un autre neurone par exemple, de lui dire allez, c'est à toi, je te fais passer le témoin. Et ça se fait pas par de l'électricité, ça se fait par des molécules qu'on appelle neurotransmetteurs. Et donc un neurone va sécréter ses neurotransmetteurs pour aller dire au neurone d'après de faire des trucs. Alors ça pourrait dire pour un neurone d'après de se calmer, pour de s'exciter. Et quand tu fais ça, bah, avec des milliards et des milliards de neurones qui sont connectés les uns les autres, t'arrives à faire de la pensée, des sentiments, tout ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, quoi. Et pour que tout ça fonctionne, ça demande une énergie de dingue, donc ça demande de l'oxygène et du sucre qui sont apportés par le sang, et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir observer le cerveau en fait grâce à l'activité électrique, grâce à l'activité chimique, c'est un peu plus compliqué, grâce à la consommation d'oxygène et grâce à la consommation de glucose par exemple. Donc on a tout un tas de méthodes liées à la manière dont fonctionne le cerveau pour voir ce qui se passe à l'intérieur, sans forcément demander à la personne, en lui demandant son autorisation bien sûr, mais voilà, on peut essayer de comprendre le cerveau en le regardant à tout un tas de niveaux, on va apprendre des choses différentes, et ça va être important pour justement, si on va analyser le jeu comme n'importe quel autre processus, on va apprendre des choses différentes selon la manière dont le regarde le cerveau, donc ça va être important aujourd'hui de vraiment être un peu humble sur les conclusions qu'on peut tirer, parce que globalement, l'étude mécanistique vraiment précise du cerveau, d'un point de vue neurobiologique, d'un point de vue imagerie, d'un point de vue enregistrement d'électrophysiologie, donc de l'activité électrique du cerveau, on en est encore pas mal au début, et c'est souvent des études qui sont assez faiblardes en termes de nombre de participants, en termes de contrôle, en termes de force statistique des résultats, donc c'est plus un appel à plus de recherches que des conclusions en disant « ouais, c'est cool, on sait comment ça marche et on peut l'utiliser pour sauver le monde ». Et je me souviens au début des années, à la fin des années 90, on parlait de Flight Simulator comme étant un jeu qui permettait d'apprendre à piloter des avions. Et là, par rapport à ce que tu dis, par rapport aux neurones justement qui se transmettent des informations, est-ce que cet apprentissage il est véritable ? Est-ce que via un jeu de simulation, on peut effectivement forcer ces neurones à emprunter un chemin plus régulier et plus balisé ? Est-ce que ça se passe comme ça déjà ? Ouais, alors ça dépend ce qu'on entend par chemin. C'est-à-dire que quand on apprend quelque chose, il y a des modifications qui s'avèrent qui s'effectuent dans le cerveau, et en général, c'est des modifications de connexion. Donc, soit on fabrique des connexions qui n'existaient pas avant, et des fois, c'est carrément physique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le neurone qui va envoyer une espèce de tentacule pour aller connecter un autre neurone. Le plus souvent, c'est en fait, on va renforcer ou affaiblir certaines connexions qui étaient déjà là, ou on va renforcer l'efficacité de certaines connexions. Donc, oui, quand on joue à Flight Simulator, on apprend quelque chose. Ce qu'on apprend, c'est qu'on apprend à jouer à Flight Simulator. Donc, il y a certaines des activités, des compétences et des réseaux de neurones qui sous-tendent ces compétences qui sont les mêmes que pour contrôler un véritable avion, et d'autres qui sont différentes. Et tout l'art des jeux éducatifs et de ce genre de choses, ça va être quels réseaux sont mis en jeu par le jeu, justement, par le simulateur, et en quoi ils sont importants pour la vraie conduite. Par exemple, il y a un côté apprentissage des fonctions, on va dire vraiment juste, voilà, le bouton, il sert à tel truc. Il y a aussi la question du contrôle de l'attention, notamment de l'attention visuelle. Combien d'objets tu arrives à gérer en parallèle. Et pour ça, Flight Simulator sera pas forcément le meilleur. Il faudra peut-être mieux jouer un FPS, par exemple. Et puis, il y a des choses comme gérer son stress vis-à-vis des bruits bizarres, ou gérer la température, ou gérer la pression d'avoir une personne assise à côté de toi, que là, si tu joues à Flight Simulator tout seul devant ton PC, tu n'auras pas du tout. Donc, faut juste se méfier de... quand on veut transférer un apprentissage d'un jeu à la réalité, faut parfois être encore une fois assez humble sur le fait que ça se trouve dans la réalité. Ce qui compte, c'est pas du tout, on va dire, le contenu intellectuel et apprentissage cognitif de tel ou tel chiffre ou de tel ou tel mot, et que ça pourrait être des choses sociales, par exemple, que là, il faudrait tester différemment. Du coup, là, on est vraiment sur l'apprentissage, mais de façon générale, sur le comportement et l'activité en partie, qu'est-ce qu'il y a eu de mener, enfin, à ta connaissance, hein, comme étude sur justement précisément ce qui se passe dans la tête d'un joueur pendant une partie, et le cas échéant, qu'est-ce qu'on a pu observer ? Alors, ça va dépendre vraiment du jeu et du but de l'expérience. C'est important que globalement, il n'y a personne qui étudie le jeu pour le jeu. Et surtout pas avec des méthodes qui coûtent cher. Donc, dès qu'on se met à parler d'imagerie fonctionnelle, donc le fMRI, je vais faire du franglais pendant toute la durée de l'interview, hein, parce que moi, j'ai fait toutes mes études un peu poussées en anglais et je travaille en anglais maintenant. Du moment que tu nous expliques en quoi ça consiste concrètement, ça nous va très bien. Voilà, donc en imagerie fonctionnelle par résonance magnétique, où en fait on regarde grosso modo ce qui se passe comme activité du cerveau à une échelle pas très rapide, mais liée à l'oxygénation du sang, donc en différents endroits, ça va dépendre vraiment du jeu et de l'expérience. Donc par exemple, il y a beaucoup de recherches qui a été faite historiquement sur les gens qui jouent à des jeux d'argent et à tout ce qui est l'attente de gains. Et c'est là où s'implique ce qu'on appelle les circuits de récompense, et notamment un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et donc, on a tout un tas de structures dans le cerveau qui sont un peu au fond. On appelle ça les ganglions de la base. Il y a des choses comme le caudate et le putamen. Donc, c'est deux structures qui sont importantes. Les noyaux accumbens, c'est une structure qui est importante dans l'addiction. Et on a regardé qu'en regardant certains joueurs, en regardant une personne, on va dire, normale qui va jouer au poker sur son ordinateur, elle va avoir des attentes de récompenses qui vont correspondre à des activations de réseaux où la dopamine est importante. Et on va voir que dans certains joueurs qui sont, on va dire, quasiment addicts, là, il y aura des activations qui seront beaucoup plus fortes. Il y aura moins de capacité à contrôler ces choses-là. Donc ça, c'est pour le côté vraiment récompense. Après, si on prend, par exemple, des joueurs de Go ou des joueurs d'échecs, là, on va voir des choses forcément beaucoup plus liées aux calculs spatiaux. Aussi, on va voir des choses liées à la cognition, c'est-à-dire donc, tout ce qu'on parle, fonction complexe de prévision, de contrôle de soi, de prévision du futur, qui sont un peu dans le devant du cerveau, dans le cortex frontal, ce genre de choses. On va voir que les gens experts par rapport aux gens naïfs ou peu expérimentés vont utiliser leur cerveau différemment. Globalement, les experts, et ça c'est quelque chose qu'on peut voir dans d'autres activités que le jeu, vont avoir des réactions, on va dire, beaucoup plus intuitives et vont beaucoup moins utiliser en fait leur cerveau qui réfléchit. On va vraiment pouvoir visualiser le fait que, ah non, eux en fait ils ont besoin de beaucoup moins d'énergie pour obtenir le même résultat. Non seulement ils l'obtiennent plus rapidement, donc en utilisant d'autres méthodes type électroencéphalogramme, où là on va regarder l'activité électrique à l'échelle vraiment de la milliseconde, donc extrêmement rapide. On va voir que en 200 millisecondes, ils ont réglé le problème d'échec qu'on leur a montré sur un écran, avant même qu'ils aient conscience de l'avoir réglé, quoi. Donc on peut commencer à voir les différences de rapidité, de réflexe, de gestion des situations en faisant ce genre d'imagerie. Mais voilà, ça va vraiment dépendre du jeu, vraiment dépendre de ce qu'on teste et vraiment dépendre de la manière dont on le mesure, quoi. Le titre de notre émission là possède un petit biais grammatical. On parle de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur, mais du coup on peut le décliner facilement au féminin. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueuse ? Il y a pas mal de préjugés qui peuvent courir effectivement sur les différences hommes-femmes, les différences genrées dans tout un tas de domaines, mais le jeu vidéo n'y fait pas exception. Est-ce que dans les études il y a un biais, qu'il soit social, peu importe, qui a été détecté vis-à-vis du genre des sujets ? Alors, terrain glissant. Terrain glissant pour tout un tas de raisons. Il y a un biais, alors bon, encore une fois, je vais sortir du gros stéréotype, mais il y a un biais énorme vis-à-vis de la psychologie publiée, donc la littérature de recherche en psychologie, c'est le côté, on a fait les expériences sur des étudiants américains dans des universités. Est-ce que l'étudiant américain dans une université est l'humain lambda? Je ne sais pas. Que ce soit d'un point de vue économique, effectivement, après, de genre, ethnique, tout ce que tu veux, il y a énormément de biais. Moi, par exemple, je suis un homme cisgenre, blanc, hétéro, classe moyenne, ouest européen. Donc là, je suis la fête du privilège, mais aussi la fête au niveau scientifique. C'est-à-dire que quand on teste des médicaments, typiquement, c'est sur moi. La seule chose où, en neurosciences, je suis mal étudié, c'est parce que je suis gaucher. Et très souvent, les gauchers sont exclus des études de neurosciences parce qu'ils veulent une population droitière bien, bien simple. Donc, on a tous ces biais-là. Ils sont déjà là, à la base, dans la science au sens large, et particulièrement dans la neuro. Et quand on a des hommes et des femmes, c'est une chose. Quand on a des ouvertures à plus de catégories, c'est encore plus rare dans les études. Donc, si vous êtes non-binaire, bon courage. Donc voilà, ça c'est fait. Après, quand on se met à regarder les différences entre les hommes et les femmes, ça dépend comment on les regarde. Et donc, quand on regarde l'activité d'un cerveau, on ne regarde pas l'activité de ses chromosomes. On regarde des chromosomes, on regarde aussi des niveaux hormonaux au moment où la personne est en train de le faire, son état d'esprit. On regarde aussi la somme de son éducation, des années et des années de formatage. Donc, c'est extrêmement dangereux de dire différence homme-femme sans qualifier exactement pourquoi et qu'est-ce qui pourrait mesurer telle ou telle différence. Il y a par exemple aussi la question de la quantité de la différence. Donc très souvent, énormément d'études qui montrent des différences homme-femme statistiques. Mais quand on regarde l'amplitude de la différence, oui, elle est statistiquement significative, mais d'un point de vue clinique, d'un point de vue fonctionnel, elle ne sert à rien. Elle n'a aucune valeur dans la vie réelle. Donc c'est joli pour les maths, mais ça ne veut rien dire dans la vie de tous les jours. Ça, c'est une chose. Après, quand tu regardes ces différences, il y a par exemple dans les jeux des différences intéressantes sur la motivation, la satisfaction, les réactions de plaisir vis-à-vis de la victoire, par exemple. Il y a tout un tas d'études qui montrent que les gens ont des réactions de plaisir liées à des victoires plus fortes s'il y a un adversaire humain qui est contre eux, si l'adversaire humain est dans la pièce. Et on a remarqué que les hommes retiraient plus de plaisir à la victoire contre un adversaire humain que les femmes qui, en fait, kiffaient d'avoir joué, qu'elles aient gagné ou pas gagné. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas compétitives. C'est juste que dans cette expérience-là, quand ils ont fait la division, ils ont remarqué qu'il y avait une différence entre les deux. Après, ça, c'est des analyses post-hoc. L'expérience n'était pas designée pour étudier une différence entre les hommes et les femmes. Donc, il faut toujours faire attention dans les études scientifiques, quand on te rajoute tout un tas de conclusions qui n'étaient pas prévues au départ, pour lesquelles on n'a pas contrôlé tous les biais possibles, il faut prendre ça avec un gros, gros grain de sel, quoi. Et au-delà des différences, qu'est-ce qui rassemble les joueurs? Est-ce qu'il y a des choses qui rassemblent les joueurs? Est-ce qu'on observe des choses communes entre un joueur de Go, comme tu disais, ou d'échecs, un joueur de jeu d'argent, un joueur de, je sais pas, de Jungle Speed? Est-ce qu'il y a des choses communes qui se passent dans la tête des joueurs? Tu parlais tout à l'heure de dopamine, j'imagine que ça doit faire partie des choses qui circulent un petit peu. Oui, mais là, le problème, en fait, c'est qu'on perd l'unicité du jeu. C'est-à-dire que si on prend des gens qui aiment jouer aux échecs, on fait une étude sur leur cerveau et on voit, ouais, une activation des centres du plaisir quand ils jouent aux échecs, et on prend des gens qui aiment jouer à Super Mario Kart, et on voit une activation du plaisir quand ils jouent à Super Mario Kart, ça se trouve, si les deux aiment le chocolat, on verrait la même chose quand ils mangent du chocolat. Et donc, il y a très très peu d'études où on fait jouer à différents jeux des gens qui n'aiment pas certains jeux, en fait. Donc, à ce niveau-là, la notion de « il y a une activation des centres du plaisir quand on fait une activité qui nous amène du plaisir », ouais, super. Oui, ça y est, on l'a montré, c'est cool. C'était bien de le faire, mais ça ne va pas nous aller plus loin. Moi, ce qui m'intéresserait plus, ce serait, voilà, si on fait jouer à un jeu vidéo de tir ultra-violent et à un espèce de serious game, je ne sais pas, moi, Paper Please ou quoi... un groupe de joueurs dont certains vont préférer tirer et les autres peut-être réfléchir sur l'impact des politiques migratoires ou de la soumission à l'autorité. Ce sera intéressant de voir qui a la plus grosse activation et quand. Et donc, est-ce qu'on peut profiler les goûts? Mais ça, c'est pour le côté appréciation. Après, est-ce qu'on peut voir, avant même la question d'appréciation et avant même d'avoir démarré le jeu, en fait, on a vu que les joueurs, par exemple, d'échecs, pouvaient avoir certaines endroits, bah, notamment des circuits de récompense du cadet comme ça, qui étaient un peu atrophiés par rapport les grands maîtres. C'est un peu, ils avaient cette partie-là du cerveau qui était un peu atrophiée par rapport à la population générale. À l'opposé, elle pouvait être augmentée chez les joueurs de jeux vidéo très intensifs. Les gens qui jouent par exemple au Scrabble ont une activité, forcément quand ils font des jeux de lettres, qui est complètement différente de quelqu'un qui joue pas au Scrabble, parce qu'ils gèrent les lettres et les assemblages de mots complètement différemment, de manière pas forcément liée au langage, en fait ils gèrent quasiment avec des combinatoires visuels. Mais le plus intéressant, c'est que si on met un joueur de Scrabble expert dans un IRM, et qu'on met une personne avec le même âge, le même genre et tout ça, dans un IRM sans rien faire, leurs cerveaux, en fait, sont différents au repos. C'est-à-dire qu'on a pu montrer des différences anatomiques, on a pu aussi montrer des différences d'activité de base, quand la personne ne fait rien dans le scanner, entre une personne qui est experte en Scrabble et une personne qui n'est pas experte en Scrabble. Donc, encore une fois, avec toutes les caveats scientifiques sur la force des statistiques, mais on a des différences entre les joueurs intenses et les non-joueurs. Par contre, on a très rarement dans les études un joueur de Scrabble, un joueur d'échecs et un joueur de Super Mario dans le même scanner. Et globalement, justement, ces différences entre joueurs intenses et non-joueurs au-delà du sport de jeu, enfin, j'imagine que par exemple, j'ai peut-être des grosses bêtises, hein, mais les gens qui jouent beaucoup ont les meilleurs réflexes quand il s'agit d'apprendre les règles d'un nouveau jeu la plupart du temps, parce qu'il y a une habitude aussi et des savoir-faire là-dessus. C'est des choses qu'on retrouve un petit peu ? Ouais, non, c'est. Alors ça, mais là, tu vois, tu parles de fonction, de performance, et donc pas forcément de résultats d'imagerie, quoi. Et la notion d'apprentissage de règles de jeu, elle peut être modélisée dans un test expérimental, mais on n'a pas encore fait ça, et on pourra peut-être y revenir plus tard, dans un cadre vraiment naturel de t'es dans ton bar à jeu, on ouvre une nouvelle boîte et on sort les règles. Qu'un environnement un peu sale d'un point de vue expérimental, parce qu'il y a plein de facteurs qui influencent, mais qui serait sans doute la vraie manière de le tester, vraiment dans un environnement naturel. Donc oui, on peut voir des différences. Alors ça peut être des différences d'apprendre à apprendre, parce que tu as passé beaucoup de temps à apprendre tout le temps des nouvelles règles de jeu. Donc il y a un côté juste souvenir, tu as appris tellement de règles qu'il y a des patterns que tu vas retrouver. Il y a un côté flexibilité. Si tu es habitué à challenger ton cerveau régulièrement, il va être potentiellement plus plastique pour apprendre certaines choses. Et puis après, il y a le côté la maîtrise, l'habitude. À partir du moment où toute personne a fait une activité 7 ans, 10 ans, je suis sûr que si on prend un charpentier, il a aussi un cerveau au repos qui est différent de quelqu'un qui n'est pas charpentier, parce que simplement, son cerveau a été travaillé d'une certaine manière, il a connecté certaines zones entre elles d'une manière beaucoup plus forte et beaucoup plus efficace que quelqu'un qui n'aurait pas ses compétences. Tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on fait énormément modifie notre cerveau. Parfois, on peut le voir carrément de manière anatomique. On peut voir les câbles là sont plus épais, où il y en a plus nombreux, où les connexions sont plus efficaces, qu'on dépense moins d'énergie. Ça, c'est valable pour toute chose. La grande question maintenant, ça va être quel jeu pour quelle compétence. Et ça, on a maintenant, notamment sur la question des temps de réaction, des réflexes. On commence, il y a notamment les travaux de Daphné Bavelier à Genève, là, qui sont à Rochester, qui sont passionnants sur le côté. Ils sont aperçus que les gens qui jouaient à Call of Duty et ce genre de jeu arrivaient à gérer énormément de choses qui bougent en même temps dans leur champ de vision et en même temps à être super concentrés. Et donc, suite à ça, ils ont développé des jeux spécifiques où on ne massacre pas les gens, mais où on a quand même plusieurs choses à gérer en même temps. Et notamment, ça peut aider, il y a un jeu qui s'appelle Neuro Racer, comme ça, où ils avaient aidé des personnes âgées à activer leur capacité à faire du multitâche ou à avoir des stress cognitifs, donc gérer des choses mentales qui pourraient les stresser dans la vraie vie. En jouant à ce jeu, ils ont réussi à augmenter leur capacité à gérer tous ces défis cognitifs en parallèle, quoi. Donc on peut, selon le jeu et comment on commence à comprendre les jeux, designer des jeux pour effectivement améliorer telle ou telle capacité mentale. Ouais. Et est-ce que, enfin, ça c'est super important comme propos vis-à-vis de, je crois qu'on appelle ça aussi la plasticité cérébrale. Et il y a un élément de ton propos de tout à l'heure qui m'a interpellé, c'est que parfois, suite à des activités, le jeu vidéo ne fait pas exception, il y avait effectivement des chemins neuronaux qui se renforçaient, mais il y en avait d'autres aussi qui s'atrophiaient, qui étaient plus perturbés. Est-ce que ça veut dire que, mettons, si du coup la science à ce niveau-là progresse et dans 50 ans, on serait capable de dire mais non monsieur ou mais non madame, vous voulez être contrôleur aérien, mais vous avez l'habitude de jouer à SimCity, ça ne va pas être possible parce que ça diminue vos performances. Alors, faudrait fliquer leur usage de SimCity. Ouais. Non, je pense pas que là on parle plus de bonus, d'additif. Je pense pas que la perte de fonction, surtout sur des fonctions type, tu vois, gérer, je sais pas moi, différents avions en même temps et réagir extrêmement rapidement. Je pense pas que c'est le fait de planifier du tour par tour va te détruire ta capacité à gérer différents sprites qui se déplacent en parallèle. Par contre, quand tu as une activité qui se rapproche de l'addiction, quand tu passes, voilà, c'est important. Quand on parle de bénéfices, on arrive à montrer des bénéfices avec des jeux en jouant juste une heure par jour, max, même une demi-heure. Une demi-heure par jour pendant 3 semaines, on arrive à faire des changements dans le cerveau. Par contre, si tu passes 12 heures par jour à faire cette activité de gestion de plein de sprites en même temps, de tuer des zombies et que tu ne parles pas d'être humain hors de ton canal de chat, là, il y a fatalement d'autres fonctions qui vont en pâtir. Et ce ne sera pas forcément la fonction de planifier une ville au tour par tour, ça peut être aussi simplement des fonctions sociales ou, comme toute conduite addictive, la faculté de restreindre en fait tes instincts. Et notamment, il y a des tests comme ça où, à partir du moment où tu as été, t'as des comportements addictifs, quelle que soit l'addiction mentionnée et qu'elle soit médicale, prouvée médicalement ou pas, on voit que c'est des gens qui ont du mal simplement à contrôler leurs impulsions. Donc même si on leur fait un test qui mesure l'impulsivité, qui n'a rien à voir avec leur addiction en l'occurrence, qui n'a rien à voir par exemple avec le fait de passer 18 heures par jour sur Internet, on va montrer qu'ils ont des problèmes pour contrôler leur impulsion. Et là, c'est là où une pratique, quelle qu'elle soit, extrêmement forte, va introduire des déficits de contrôle top-down, donc de contrôle exécutif, où on dit non, c'est bon, j'ai envie de ça, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai autre chose à faire et que ça va poser des problèmes dans l'avenir. Ouais, ça peut clairement être entre guillemets, atrophié. Quoi. Alors, en parlant de communication avec des êtres humains, moi, j'ai une pratique ludique qui est notamment beaucoup tournée autour du jeu de rôle, sans parler du jeu de rôle spécifiquement. Est-ce qu'on a mené des recherches sur les jeux de communication et d'imagination? Et parce que je vois bien comment, effectivement, un FPS, ça peut solliciter certaines fonctions du cerveau et certaines appréhensions de problèmes, mais ça m'intéresse. Et à titre personnel, et je pense que ça peut intéresser nos éditeurs, de voir qu'est-ce qui se passe pour des gens qui sont dans des exercices de, bah justement, de discussion, de communication et d'imagination. Ça doit solliciter aussi d'autres fonctions qui, pour le coup, ne sont pas du tout corporelles. En plus, on est dans la pure production cérébrale, j'ai envie de dire. Ouais, alors là, faut se méfier sur la notion de purement corporelle. Le cerveau, il fait partie du corps et il existe et il n'a un intérêt que parce qu'il est connecté à un corps. Que ce soit au niveau d'input sensoriel, donc on part forcément à la vue, ce genre de choses, mais aussi comment on sent au niveau de son estomac, ou il y a aussi plein de neurones dans l'estomac qui parlent entre eux et qui ont un réseau, enfin au niveau des intestins. Donc on n'est jamais en isolation complète, et même quand on imagine quelque chose, il y a des impacts sur le corps, et quand on fait des choses avec son corps, il y a des impacts sur notre imagination aussi. Donc c'est jamais complètement dissocié. Maintenant, il y a aussi il y a moins de recherches là-dessus, principalement parce que c'est plus difficile à gérer un point de vue expérimental, et aussi parce que ce sont des réseaux qu'on connaît moins bien. Quand on parle de vision, quand on parle de mouvement très simple, ça, c'est des réseaux qu'on connaît bien dans le cerveau. Quand on parle de choses comme les émotions, comme les relations interpersonnelles, c'est plus difficile. Et enfin, mesurer plusieurs personnes en direct dans un labo, on peut le faire, il y a un truc qui s'appelle le hyperscanning, donc on va enregistrer plein de personnes en même temps, que ce soit avec des IRM ou avec des électroencéphalogrammes. Maintenant, on a le matériel pour, et donc on va pouvoir regarder leur cerveau exactement en simultané sur ce qui se passe entre eux pendant qu'ils jouent. Donc ça, on commence à voir les méthodes, mais c'est vraiment assez récent. Donc un des exemples qu'il y a eu, il y avait des gens qui avaient modifié le jeu Lemmings sur ordinateur avec une offre vraiment, enfin un angle vraiment coopératif où le jeu en fait t'encourageait à être gentil avec ton prochain et à sauver des gens. Et après, ils avaient fait un test en laboratoire où effectivement ceux qui avaient joué à Lemmings par rapport à ceux qui avaient joué à autre chose avaient plus tendance à aider autrui. Mais là, la question, c'est est-ce qu'on est juste dans le priming et le fait d'entraîner quelqu'un à une réaction parce qu'on l'a modifié son comportement, ou est-ce que le jeu a quelque chose de différent de un discours ou une autre type de mise en situation. Donc ça, c'est une chose. On peut potentiellement influencer certains processus comme ça. L'autre côté, c'est au niveau du jeu de rôle et non plus de la personnalité, de l'empathie. Il y avait une expérience assez rigolote. On a fait jouer des gens à des jeux vidéo. Alors, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas donné le jeu pour qu'on puisse le tester, c'est dommage. Mais soit en tant que Superman, soit en tant que Voldemort, le grand méchant dans Harry Potter, où tu combats tes ennemis, soit t'es Superman, soit t'es Voldemort. Puis ils ont fait des contrôles avec tuer un rond ou tuer un triangle, des choses pas particulièrement connotées. Et après, dans une deuxième expérience qu'on expliquait aux gens être complètement indépendante, tu devais faire une mixture qui devait être goûtée par autrui. Et t'avais de la sauce au chocolat et du piment. Et les gens qui ont joué Voldemort avant, eh ben, ils ont mis beaucoup plus de piment que de sauce au chocolat dans le mélange. Et il y a un côté, ils ont aussi fait ça avec des gens qui juste regardaient quelqu'un jouer en tant que Voldemort et Superman. Et après, ils ont comparé avec ceux qui avaient vraiment joué Voldemort et Superman. Donc si tu joues Superman, eh ben, t'as tendance à mettre plus de chocolat et moins de piment. Et si tu joues Voldemort, t'as tendance à mettre plus de piment et moins de chocolat. Donc le fait d'avoir incarné, entre guillemets, le personnage pendant le jeu, et pendant un jeu vidéo qui avait l'air assez simple et assez stupide, en fait, avait un impact sur leur comportement dans un cadre complètement différent, sur leur, entre guillemets, leur gentillesse et leur méchanceté, pour simplifier, quoi. Donc ouais, dans ces expériences-là, ça fonctionnait. Après, encore une fois, à l'échelle d'une vie ou à l'échelle d'heures et d'heures de pratique, à l'échelle de la vie quotidienne, on n'a pas encore les données pour ça. Et pour être plus dans ton sujet de travail à toi, qui est une approche un peu thérapeutique, le jeu, c'est quelque chose qu'on utilise un peu. Je pense, par exemple, suite à un accident cérébral, ce genre de choses dans des cadres de rééducation. Est-ce que c'est des choses qui peuvent aider en modélisant, en donnant une approche partielle d'un problème qui permet de traiter les difficultés point par point? Est-ce que c'est des choses qui peuvent trouver leur utilité? Alors, en théorie, oui. En pratique, c'est... Quelle va être la différence avec une réhabilitation thérapeutique standard? Parce qu'on a des kinés, on a des, comment on appelle ça, des ergologues, enfin on a des tous les gens qui vont t'apprendre à reprendre une fonction normale, par exemple après un AVC ou ce genre de choses. On a déjà des méthodes et on a déjà des méthodes qui marchent. La grande question, c'est est-ce qu'on peut les faire marcher mieux s'il y a un jeu et comment? Donc effectivement, on peut designer un jeu qui va faire travailler certaines fonctions. Il y a eu du boulot de fait au niveau d'utilisation de la main après un AVC, de la force du bras, où effectivement il semblerait que ça marchait plutôt bien et il semblerait que ça marche encore mieux s'il y avait des compétitions et que tu pouvais faire des sortes de battles entre maisons de retraite avec des gens qui avaient eu des AVC qui travaillaient pour faire travailler leurs bras et que donc il y avait peut-être un moyen de motiver les gens. Par contre, si quelqu'un a eu un AVC et a des problèmes dans la jambe, là il faudra forcément un autre jeu. Donc il y a eu des tests faits sur des espèces de plateformes type Kinect ou comme ça, on va un peu encourager les gens à utiliser leurs jambes d'une certaine manière. Moi, j'ai testé un modèle de jeu de sorte de course où tu guides une boule qui descend dans une espèce de toboggan et tu as juste deux pédales pour les pieds, tu n'as pas de joystick. Et l'idée, c'est d'encourager la personne à justement utiliser ses jambes et pas seulement juste pour marcher, mais vraiment avec de la motricité fine et essayer de contrôler cette boule sur ce toboggan, ce qui est intrinsèquement assez fun. Et alors après, la grande question, c'est est-ce que ça marche mieux que la réhabilitation? Est-ce que ça marche juste en plus de la réhabilitation, mais sans besoin d'un kiné, par exemple? Parce que les coûts de la santé étant ce qu'ils sont, toute chose que tu peux faire de manière automatique avec le patient devant un ordinateur ou avec son smartphone à faire des tests ou faire des jeux, va économiser de l'argent pour le personnel hospitalier. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les États. Après, la grande question, c'est quelle est la force, l'efficacité de ce truc-là, quoi. Et des fois, c'est il y a un bonus par rapport à rien faire. Des fois, il n'y a pas de bonus, c'est-à-dire que la fonction du patient après la rééducation est exactement la même. Par contre, il est plus heureux. Il y a un côté entre guillemets antidépresseur, donc pourquoi ne pas faire en sorte que non seulement le membre va un peu mieux, mais la personne globalement va plus, va encore mieux au niveau du tempérament. Donc ça c'est une chose. Et après il y a la question du fun et aussi lié à ça la question de la rétention du traitement. Il y a énormément de traitements médicaux, que ce soit en termes de rééducation ou même en termes de médicaments, qui sont lourds, qui sont désagréables, qui sont fatigants, qui sont stressants. Si on pense aux chimiothérapies, par exemple, ou même aux traitements anti-épileptiques, ou même à certains traitements contre l'asthme, les patients en ont marre, en fait, ils arrêtent de les prendre. Et là, les gens regardent beaucoup au jeu dans la direction de « c'est pas tant qu'on va avoir un meilleur effet, par contre, on va faire en sorte que le patient, il suive quand même le traitement parce qu'il y a un jeu à côté, et que c'est fun, et que donc là, ça les intéresse de faire en sorte que ça marche. » Parce que le gros souci de toutes ces interventions thérapeutiques, et même du jeu comme intervention thérapeutique, c'est que les gens se lassent, ils se désengagent Et ça commence, alors là, ça, c'est vraiment très très récent, mais dans les dernières années, les gens se sont rendus compte, voilà, on a fait un jeu qui devait encourager les gens à faire du sport pour qu'ils soient moins obèses, mais le jeu était nul et au bout d'une semaine, ils arrêtent. Donc comment est-ce qu'on va faire que les gens continuent à jouer? Et c'est là où, enfin, on commence à avoir de la recherche correcte, notamment sur la motivation, l'engagement, et ce qui nous amène, moi je suis rôliste et hygiéniste, donc tout ce qui est jeu de rôle et matière d'immersion, on en parle beaucoup. Ce qui nous amène à la question de l'immersion et comment on la définit. Est-ce que par exemple, on ferait arrêter de dire immersion et utiliser d'autres termes qui nous permettraient de nous connecter avec de la recherche en neurosciences parce que voilà, il y a une vraie motivation à savoir, au niveau business, les fabricants de jeux vidéo notamment veulent savoir qu'est-ce qui nous rend accro, mais au niveau médical, les médecins veulent aussi savoir qu'est-ce qui fait qu'on va garder ce traitement, qu'on va le suivre jusqu'à rémission ou jusqu'à l'amélioration des symptômes. Donc c'est cet aspect motivation, engagement, présence dans l'univers de jeu est clairement en train d'être étudié de plus en plus, et ça c'est passionnant, notamment pour les rôlistes et toutes les personnes effectivement qui travaillent dans l'imagination. Et effectivement, je pense qu'on aborde là quelque chose qui concerne beaucoup de types de jeux différents, que ce soit les jeux de rôle ou les jeux de plateau ou les jeux vidéo, etc. C'est quelque part cette impression de la faille temporelle où on commence à jouer et puis tout d'un coup, il est 4h du matin, on n'a pas compris si c'était passé entre les deux. Tu parles d'immersion, du coup, peut-être qu'on peut parler aussi de concentration ou effectivement d'autres termes qui se rapprochaient plus à la neuroscience. Est-ce qu'on commence à savoir qu'est-ce que c'est que cette concentration? D'où vient cette faille temporelle et cette impression que le temps a filé à une vitesse extraordinaire? Ouais, alors c'est, je crois que c'est balèze parce que ça fait longtemps qu'on est dans le podcast et personne n'a encore dit le terme de flow. Donc respect, bravo, vous avez fait une belle rétention au niveau du flow. Non, parce que c'est un domaine, une notion qui est à la fois très intéressante et très galvaudée. Et notamment, la question de la perte de temps fait partie des critères de flow. Mais comme tu l'as bien expliqué, on peut avoir une perte de temps en jouant, mais on peut aussi avoir une perte de perception du temps en regardant un film. Notamment en glandant sur Facebook. Et il y a pas mal de recherches sur le fait qu'en fait, glander sur Facebook pendant des heures peut plutôt réduire ton mood et serait limite pro-dépressif qu'anti-dépressif. Donc, c'est pas parce que tu perds du temps que tu vas aller mieux après. Mais des fois, effectivement, quand tu es dans une situation d'engagement complet, d'attention, de difficulté exactement associée à tes capacités, tu peux aussi percevoir à la fois effectivement une perte de notion du temps et un certain plaisir, sachant que tous ces trucs-là ont parfois des réseaux neuronaux qui sont les mêmes et parfois séparés. Donc on commence effectivement à avoir plus de recherches sur les données de l'attention et sur l'application du jeu, notamment pour les patients qui ont des troubles de l'attention et donc tout ce qui est hyperactivité, déficit de l'attention. Et il y a beaucoup de recherches sur le fait de si on pouvait, par exemple, faire jouer des gens, au Go. Il y a eu des études sur le fait que le Go pouvait, chez les jeunes notamment, améliorer les capacités d'attention. Ce serait peut-être mieux que de leur filer de la Ritaline, notamment donc le méthylphénidate, parce que notamment la Ritaline réduit, par exemple, la playfulness, l'envie de jouer. Alors, si le jeu peut aider tout un tas de choses, mais que le médicament enlève l'envie de jouer, ça peut faire pas mal de dégâts pour l'évolution. Donc oui, il y a beaucoup de recherches là-dessus sur l'attention, et notamment un des domaines à la mode là-dessus, c'est le, je sais pas comment on dit en français, le default mode network, donc le réseau du mode par défaut, qui est cette activation du cerveau quand tu ne fais rien, et pas parce que tu as le cerveau vide, mais plutôt quand tu commences à être en roue libre et à ruminer. Et donc, si tu n'es pas focalisé sur quelque chose, en fait, ces ruminations peuvent être associées aussi à la dépression et à ce genre de choses. Et le fait de jouer, tout comme le fait de méditer ou le fait d'être concentré sur une activité, pourrait calmer un peu ce réseau-là et potentiellement améliorer ta qualité de vie et ton état d'esprit. Donc, arriver à savoir qu'est-ce qui est plus efficace, qu'est-ce qui est plus agréable, tu vois, entre faire de la méditation de pleine conscience ou jouer à diplomatie, ce serait intéressant effectivement qu'il y ait plus de recherches. Donc il y a beaucoup plus de recherches là-dedans, on commence à voir, mais on n'a pas encore exactement compris je pense pas qu'il y a un type d'activité universelle qui permettrait de gérer ce réseau-là. Je pense que ça va dépendre aussi des goûts des différentes personnes. On a parlé à plusieurs reprises d'apprentissage ou de réapprentissage hein, quand il s'agissait de rééducation. De façon générale, je ne sais pas si c'est empiriquement, mais on observe que le jeu est quelque chose de très très utilisé dans une approche éducative d'acquisition de compétences, notamment que ce soit chez les humains ou chez les animaux. Est-ce que c'est parce que ça a des propriétés propres ? C'est vrai que tu as parlé de fun tout à l'heure. Est-ce que c'est l'idée de mettre dans une situation d'apprentissage qui ne ressemble pas à une contrainte et qui sollicite quand même de dépasser ses capacités cérébrales, de les améliorer. Oui, c'est ça, c'est le côté autotélique du jeu. Donc c'est une activité qui te récompense en tant que telle. C'est-à-dire que tu ne la fais pas parce que derrière tu auras de l'argent, parce que derrière tu auras une bonne note ou parce que derrière ta mère sera contente. Tu la fais parce qu'elle est intrinsèquement agréable. Donc là, je pense qu'il y a clairement ce composant-là à travers toutes les espèces et que manifestement, voilà, ça a été très important pour l'apprentissage. Après, faut se méfier de l'apprentissage. En fait, le fun n'est pas nécessaire à l'apprentissage et le jeu n'est pas forcément la meilleure manière d'apprendre quelque chose. C'est mieux pour apprendre quand effectivement on n'est pas en train de se faire tirer dessus et autres situations de stress graves. On est d'accord. Par contre, pour apprendre des choses type, je sais pas moi, des faits, des chiffres, un truc vraiment factuel. Bah, le cours magistral, c'est pas si mal en fait. Y a quand même pas mal d'études qui montrent que faire passer un certain nombre de faits à travers un jeu est en fait pas du tout plus efficace qu'un cours magistral, voire moins. S'il est autant efficace mais qu'il est agréable, c'est clair que je préfère faire la version agréable. Je pense que le jeu pourrait peut-être potentiellement être plus intéressant pour des choses type rapport interpersonnel, capacité de réagir à des situations nouvelles, donc plus je dirais des savoir-faire et des savoir-être que des savoirs bruts. En savoir brut, je ne suis pas du tout convaincu du jeu. Et en termes d'apprentissage pour les adultes, tout ce qui est gamification en entreprise, vu que là, justement, il y a une carotte derrière ou un bâton, donc soit tu es mal vu parce que tu n'as pas eu le Team Spirit, soit au contraire, tu auras ton bonus à la fin de l'année parce que tu as pété les scores de vente. Je suis désolé, mais là, justement, on n'est plus dans l'autotélique du tout, on est dans le télique. Il y a vraiment quelque chose derrière. Et là, pour moi, c'est là où il y a une grosse intox sur la gamification en entreprise, parce que pour moi, c'est plus du jeu, quoi. Ce que tu as dit aussi sur l'aspect, on peut pas détacher le cerveau du corps, et le cerveau, il est là pour parce qu'il y a un corps et on peut pas les dissocier. Ça m'a fait penser à autre chose aussi. J'avais vu à un moment sur YouTube une vidéo qui parlait de neurones miroirs et du fait que quand on voyait quelqu'un faire un geste, ça activait des neurones qui correspondaient à cette partie du corps-là chez nous. Et du coup, je me demandais à quel point ça s'appliquait aux jeux vidéo, à quel point quand on fait un geste dans un jeu vidéo, ça s'applique à nous et à quel point du coup ça peut avoir un impact, que ce soit en termes d'apprentissage, mais aussi par rapport à des personnes qui n'auraient pas, par exemple dans le cas d'un bras qui bouge, qui n'aurait plus ce bras-là. Ouais, alors donc effectivement, c'est pareil, les neurones miroirs, c'est comme le default mode network, c'est un peu plus vieux, il y a eu beaucoup de conneries décrites dessus et de choses très, très réelles qui marchent. Alors il y a clairement effectivement une activation du cerveau quand on voit une action en train de se faire, même si on n'est pas en train de la faire, qui a tendance à faire effectivement à reproduire des patterns d'activité qu'il y avait si on faisait vraiment l'action. Même sans jeu vidéo, juste le fait d'imaginer une action, par exemple imaginer la marche, va activer un certain nombre de centres impliqués dans la marche dans le cerveau, mais pas tous forcément, notamment parce que il n'y a pas le retour sensoriel, il n'y a rien qui nous appuie sur les pieds. Donc oui, il y a des choses qui se ressemblent et qui peuvent aider un apprentissage et qui peuvent aider à potentiellement reconnecter des choses qui n'étaient pas connectées ou à hacker certaines connexions du cerveau. La grande question, c'est avec quelle efficacité, et là-dessus, il y a très très peu de domaines. Et à l'inverse, le fait par exemple de prendre, il y a tout un tas de recherches sur la question de prendre une posture, alors soit faciale où on se force à sourire, soit entièrement corporelle où si tu joues le mec sûr de lui avec le torse bombé et tout ça, est-ce que tu vas vraiment après avoir un gain de confiance parce que ton corps, de par sa posture, de par la différente respiration que tu auras faite, les différentes détentes de muscles, est-ce que tu vas vraiment avoir au niveau de ton cerveau plus de confiance? les données sont assez conflictuelles là-dessus. Il y a pas mal de choses qui disent que oui, juste le fait de faire semblant va vraiment affecter tes performances, et certaines mesures d'imagerie le montrent, mais c'est pas exactement la même chose. Donc je pense que ça peut aider, mais c'est pas encore très clair si on a un effet extrêmement fort dans la vie de tous les jours. Le fake it till you make it, c'est du sens, du bon sens, ouais, faut faire semblant, ça peut aider à réussir, mais je sais pas, si je connais pas la robustesse du truc, quoi. Là, on a pas mal parlé effectivement de l'observation des joueurs par la science, mais est-ce que inversement, aujourd'hui, en l'état des choses, pour un game designer, c'est une bonne idée d'aller se renseigner justement sur toutes ces recherches? Est-ce que ça peut être pour lui une ressource, à ton avis, pour construire des meilleurs jeux, des jeux qui font mieux ce qu'il a envie qu'il fasse? Alors, en théorie, oui, c'est comme ça qu'il faudrait faire. En pratique, c'est très difficile. L'avantage des jeux vidéo, notamment, c'est qu'on peut les modifier très facilement, juste en changeant quelques lignes de code, et on peut mesurer les réactions du joueur, de la joueuse, très rapidement et vraiment à la milliseconde près. Donc à la moindre explosion, à la moindre apparition de zombies, on peut avoir un retour. Alors, ça peut être un retour d'activité du cerveau, mais ça peut être par exemple, il y a un truc qui est beaucoup utilisé en jeu vidéo et en recherche là-dessus, c'est les contractions des muscles du visage qui ne sont pas observables par une caméra. Donc c'est là où c'est très très fort, c'est-à-dire que visuellement il ne se passe rien. Par contre, il y a des micro-contractions des muscles qui sont enregistrables avec des électrodes collées sur le visage. Donc c'est pas invasif du tout, hein, c'est juste un patch, et on peut voir de manière indirecte si le joueur est en train de kiffer ou pas, s'il est stressé ou pas, s'il est engagé dans le, notamment en termes de level design. Il y a des études qui ont été faites où ils ont fait exprès de faire un niveau chiant et un niveau plus complexe, et ils ont montré des différences de contraction des muscles des joueurs selon les deux niveaux, quoi. Et donc après, tu pourrais penser, ok, je vais rajouter quelques zombies par là, je vais mettre plus de diversité dans les couloirs, qu'est-ce qui va se passer sur les muscles de mon joueur? Donc tu peux faire ça, mais faire ça à l'échelle de designer un jeu complet là-dedans, ça va être compliqué. Et puis, c'est combien de joueurs tu vas pouvoir tester, quoi. C'est la question aussi des panels, est-ce qu'ils sont représentatifs? Un truc que tu peux faire, c'est notamment avoir des capteurs sur les gens en termes de rythme cardiaque, d'excitation, de sudation, qui est une des mesures. En fait, toutes les mesures des détecteurs de mensonges qui sont de la connerie pour la détection du mensonge, ça ne sert vraiment à rien. Par contre, ça sert à mesurer des niveaux d'excitation de manière très carrée. Et l'avantage de tous ces trucs-là, c'est que maintenant, avant, tu aurais eu besoin d'un labo extrêmement compliqué qui coûte super cher. Maintenant, tu peux faire ça avec des devices assez light, et notamment maintenant avec des devices portables. Moi, c'est le truc qui m'intéresse en tant que GNiste, c'est que j'ai fait du GN, j'ai fait des présentations au boulot, j'ai enregistré un podcast de Radio Rolliste à laquelle je participe avec une montre qui mesurait mon rythme cardiaque, qui mesurait ma pression sanguine, qui mesurait ma sudation. Et c'est vrai que c'est super rigolo. Alors là, c'est des tests techniques, ça prouve rien, mais c'est super marrant de voir le pic d'excitation au moment où c'est à moi de parler dans le podcast, ou en GN, le pic d'excitation au moment où je me suis fait buter. Mon personnage plutôt s'est fait buter. Donc en jeu de grandeur nature, tu ne meurs pas en vrai, mais ton personnage peut mourir. Et là, c'était particulièrement intéressant, c'est parce que je me suis fait planter par surprise dans un coin sombre. J'étais en discussion calme et je jouais un mafieux dans un GN Star Wars, et le joueur d'un autre mafieux aimait pas ce que j'avais fait et m'a planté avec sa petite dague en mousse. Donc il y a eu physiquement aucune activité qui aurait déclenché une excitation physique. J'ai pas couru ni rien. Mais j'avais en plus une GoPro qui prenait des petites photos à ce moment-là en timelapse, et c'est vraiment rigolo de voir effectivement des signaux corporels. Donc là, c'est pas mon cerveau, même si on peut le faire maintenant avec le cerveau. C'est vraiment marrant de voir les signaux corporels qui explosent pile à ce moment-là du jeu, quoi. Donc tu pourrais dire, voilà, il y a tel effet qui marche bien, mais ça marche bien pour tel joueur. Est-ce que ça va marcher pour tous les joueurs? Et si en plus, alors là, quand on parle de physique, tu connectes ça avec de la géolocalisation. Si tu as fait une salle, que ce soit un escape game, ou si tu fais un GN dans la forêt et que tu as créé un lieu avec un temps, point, donjon, que sais-je, et que tu veux savoir où est-ce que ça marche le mieux, si tu as le GPS plus l'état d'excitation du joueur, ça ne va pas dire s'il a aimé, mais ça va dire s'il était engagé, s'il a été choqué à tel ou tel endroit, et ça te permet potentiellement, en théorie, d'améliorer ton jeu la prochaine fois, quoi. Mais là, encore une fois, c'était des tests techniques, il n'y a personne qui a designé son grand 8 ou son tournoi de foot, tu vois, pour augmenter ce genre d'effet, quoi. Mais ça commence à devenir potentiellement possible de manière pas trop trop chère, quoi. Dans le monde du jeu vidéo, justement, on a tendance à avoir pas mal un gameplay qui va être assez, comment dire, pas monolithique, mais qui va faire appel aux mêmes compétences et je suppose du coup aux mêmes parties du cerveau. Là où, bah, et alors ça vient de plusieurs choses. Ça vient du fait que quand on achète un jeu, on veut s'attendre à un certain contenu et pas être trop désarçonné par trop de briques gameplay différentes, mais aussi d'un point de vue de développement, on veut pas que, le développement s'éternise et qu'on doive développer différents gameplay au sein d'un même jeu, c'est pas rentable. Mais dans des domaines de jeux plus artisanal quelque part, dans certains, par exemple, je pense au GN justement, où on peut organiser une chasse au trésor après une discussion roleplay qui va faire appel à de la diplomatie, de la politique, et puis ensuite on fait un combat. Est-ce que d'un point de vue des mécanismes, je sais pas, de récompense du cerveau et d'activation, il y a un intérêt vraiment, on a vu un intérêt à diversifier les activités et surtout diversifier la façon de se servir du cerveau dans un court laps de temps, ou est-ce qu'au contraire c'est pénible? Bonne question. Alors je pense pas qu'on l'a testé, mais d'un point de vue intuitif, je vais faire mon pessimiste. Et dire qu'effectivement il y a des gens qui aiment certains trucs, qui aiment pas d'autres trucs, et que si tu leur donnes autre truc, ils vont pas être contents. C'est-à-dire que il y a aussi la question du contrat social, donc tu parlais de coût de développement ou de type de joueur, mais même en jeu artisanal type GN, c'est la même chose. Si tu vends un GN avec des émotions, des larmes et des histoires de famille, et que tu te dis oh bah pour qui kiffe au milieu je vais mettre une porte du chaos à refermer avec une attaque d'orc, ce sera varié, ça va stimuler d'autres parties du cerveau, mais les joueurs ils vont te détester, quoi. Donc voilà, c'est la question de est-ce que t'es là pour stimuler le cerveau des gens de manière variée, ou est-ce que t'es là pour qu'ils kiffent, ou est-ce qu'effectivement de temps en temps tu introduis un petit peu de nouveauté discrètement sans trop les choquer. Ça c'est des choix de c'est des choix plus politiques et de game design. Je pense pas qu'on va augmenter la satisfaction en faisant des switches brutaux de type de réseau, sauf demande express des joueurs. Par contre, la recherche de la nouveauté est clairement un des gros motivateurs et un des gros triggers des circuits de récompense. Donc c'est pour ça que notamment beaucoup de gens aiment la découverte et la surprise. C'est pas la seule source de plaisir, mais c'est une importante source de plaisir. Donc je pense que ouais, la surprise peut amener du plaisir. Par contre, le switch vraiment total de type d'activité, ça va vraiment dépendre des joueurs, quoi. C'est ça aussi un truc, c'est pas parce qu'on a les mêmes circuits tous dans le cerveau qu'ils vont fonctionner de la même manière et qu'on aura les mêmes goûts, quoi. On a parlé à plusieurs reprises des circuits de récompense, mais qu'en est-il des mécanismes de frustration? Parce que pour le coup, le jeu, c'est quand même une usine à frustration. Je ne compte plus le nombre d'insultes que j'ai pu envoyer sur mon ordinateur ou mon mobile parce que je ratais une plateforme sur un jeu du même nom, enfin du même type. C'est des choses qu'on a un petit peu observées aussi, parce qu'il me semble que ça a été utilisé notamment dans des conceptions de gameplay. Je pense à des jeux type free-to-play avec une attente de la prochaine action qui s'allonge, et des mécanismes de frustration qui étaient étudiés pour être assez proches finalement de ce qu'on pouvait trouver dans les addictions. Ouais, alors là c'est toute une histoire de timing. C'est là où les jeux informatiques au sens large, les jeux sur mobile et les jeux sociaux notamment, et voilà les free-to-play et puis les MMORPG, tout ça commence à devenir à la fois super efficace et super dangereux. C'est parce que tu es effectivement tu peux calculer tes temps de récompense, tes temps de non-récompense, et c'est pas la frustration au sens j'ai raté, c'est quand est-ce que je vais pouvoir réussir. Et on sait, en étudiant les joueurs de poker addicts ou les joueurs de machines à sous addicts, que c'est pas parce que tu perds que tu arrêtes, quoi. En fait, la récompense, c'est ça le problème, le terme de récompense est problématique, notamment quand on parle de dopamine, parce que pour moi, la récompense, c'est une fois que j'ai le pognon. Et ça, en fait, c'est la consommation. C'est le fait, j'ai le physique, et ça, c'est plus la dopamine, c'est plus des molécules type endorphine et tout ça. Donc, l'attente de récompense, effectivement, est liée à la motivation, et la frustration, elle est à l'attente de récompense. Donc, oui, je suis un petit peu dégoûté d'avoir raté, mais j'attends toujours ma récompense, que je sais qu'elle va arriver à un moment ou à un autre. Et comment tu times ça en termes de minutes et d'heures? Et beaucoup plus fort que tout ce qui existait en termes de jeux avant. Bon, enfin, les jeux d'agents ont toujours existé, hein, mais ce côté du allez, encore quelques minutes et ça va marcher, bah, c'est les mêmes mécaniques que pour rester encore une fois glandé sur Facebook, en théorie, mais sauf que effectivement, les game designers, notamment de free to play, eux ont clairement étudié ça. Alors, pas en faisant de l'imagerie, hein, c'est vraiment complètement du pragmatique, hein, ils ont vu ce qui marchait le plus, et après, ils règlent leur durée pour que le joueur reste le plus longtemps ou se reconnecte le plus ou paye pour avoir le petit truc en plus. Moi, je me souviens avoir... c'est vraiment pas mon type de jeu, mais même... C'était quoi ? C'était WoW. J'avais joué à Warhammer Online à un moment parce que j'avais besoin d'obtenir un monstre parce que je voulais faire des captures d'écran. Et donc, j'ai joué pour la première fois de ma vie. C'est pas la peine de chercher des excuses. Non, mais c'était vraiment ça parce que je voulais pouvoir faire des captures d'écran pour après le fabriquer, le monstre en vrai. Et donc, j'ai joué à ce truc-là. Et c'était fabuleux de voir comment effectivement il manquait tant d'XP ou tel objet pour aller au tel machin, parce qu'après j'allais avoir mon truc. Effectivement, c'est extrêmement puissant. Tu passes des heures et tu fais attends, j'ai passé ma soirée à quoi, à farmer des conneries ou voilà quoi. Donc c'est des choses qui, en termes de timing en fait, font que tu arrives à maintenir une motivation. Et c'est la même différence entre par exemple jouer au loto une fois par semaine et jouer au rapido ou je sais pas comment ça s'appelle selon votre pays. C'était dans le café. Sans parler d'alcool et de nicotine et ce genre de choses, c'était un café et qu'il y a la petite récompense qui va tomber dans les 7 minutes qui viennent, ça va être beaucoup plus fort que si tu prends ton billet de loto et que tu vas passer 3 jours sans jouer, sans avoir l'attente, de manière avant le tirage, quoi. Donc, c'est tous ces jeux-là, en fait, sur les mécanismes de frustration et motivation, c'est parce qu'ils sont, entre guillemets, synchronisés au rythme du cerveau et aux dynamiques de libération de ces molécules, quoi. Pour revenir à tout petit peu en arrière, tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de ton expérience sur le Grandeur Nature. Je sais que justement, tu t'es intéressé à un petit peu, ou tu t'intéresses en tout cas à ce qui se passe dans la tête d'un joueur spécifiquement en jeu de rôle Grandeur Nature. Pour les gens qui ont déjà écouté notre podcast avec le podcast précédent qu'on a pu faire avec toi, ils savent que tu as une pratique assez importante sur le sujet. Tu en es où de ces recherches, interrogations-là? Ouais, alors c'est pas vraiment des recherches au sens boulot, hein. C'est vraiment plus du test technique de est-ce que la technologie actuelle me permet d'enregistrer des choses intéressantes. Et par exemple, maintenant on vend des casques d'électroencéphalogramme pas cher, ça reste quand même genre $400, mais connectés par Bluetooth. Donc au lieu d'être fixé dans un labo avec des câbles, le casque envoie tes courants électriques au dongle Bluetooth que tu auras mis par exemple dans ton laptop, quoi. J'avais essayé dans le jeu Star Wars, et comme une des premières choses que tu apprends en tant que scientifique, c'est qu'il ne faut jamais faire des expériences sur toi-même. Mais là, je faisais ça tout seul comme un grand. Et notamment, y a eu un bug parce que j'étais occupé à faire mon GN et j'ai perdu mes enregistrements. Donc voilà, un exemple typique de ce qu'on ne fait pas en science. Après, j'ai refait dans un cours de baston de GN. Donc je me suis tapé à l'épée en mousse avec d'autres collègues et le fameux casque que j'ai sur la tête. Et la conclusion, c'était en fait les mouvements des muscles de mon crâne, de la peau et tout ça font tellement de bruit que les données étaient complètement inutilisables, quoi. Donc vraiment le jeu vidéo pour ça c'est top parce qu'on est une personne assise qui bouge pas, on peut lui mettre des électrodes sur le visage. En GN, à partir du moment où tu fais du roleplay ou tu fais des mimiques, les électrodes elles vont enregistrer tes mimiques tellement fortes que les micro-mouvements vont pas être là. Donc voilà, le GN c'est une galère pour enregistrer le cerveau. Il y a très très peu d'expériences de jeux de rôle au sens large dans des IRM. Il y a eu quelques petites expériences, on est arrivé à voir certaines, soit en demandant à des acteurs de jouer des émotions, soit en demandant à des gens qui ne sont pas acteurs, mais de se projeter dans différents scénarios. Et on est arrivé à activer certains trucs, mais alors moi, j'ai clairement pas accès à ce genre de choses. Par contre, le côté périphérique, donc vraiment variabilité cardiaque et puis sudation surtout, qui est pour moi un truc pas vraiment précis, mais qui est assez fun à tester. Ça, ouais, ça, je l'ai testé dans tout un tas d'activités de la vie courante, dont le GN. Et c'est là où il y aura un intérêt, par exemple, quand les gens pleurent, on sait qu'il y a des signaux chimiques dans les larmes, c'est pas exactement tout ce à quoi ils servent, mais ce sera intéressant de voir, est-ce que des larmes de GN sont les mêmes que des larmes de la vraie vie. Moi, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était devant une œuvre d'art, c'était devant une performance, celui qui tombe, c'est un truc de un peu entre la danse et le cirque, j'ai pas compris pourquoi, à un moment, je me suis mis à chialer, quoi. Et il n'y avait pas de sanglots, et c'est juste des larmes qui ont coulé de mes yeux. Et ça aurait été super intéressant, tu vois, de choper ces larmes d'une certaine manière et de pouvoir les comparer avec une fois où j'étais triste en vrai, une fois où j'étais triste en GN. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça pour la chouine, entre guillemets. Donc, voilà, je pense qu'il y a clairement moyen de faire des mesures non invasives on va pas parler de prise de sang, on va juste parler de, notamment dans la salive, tu peux mesurer des niveaux d'hormones de stress, comme le cortisol, qui sont autre chose que du stress, mais notamment du stress. Donc je pense que maintenant, on a les méthodes pour, on a les outils technologiques. Ce qu'on n'a pas, c'est l'expertise, parce que ça demande un métier. Moi, c'est pas mon métier. Moi, je travaille vraiment dans des maladies neurodégénératives graves. Donc, voilà, je vais pas prendre les méthodes light du jeu pour ça. Et les gens qui ont ces méthodes-là, en général, ils ont des difficultés à trouver des financements. Donc, trouver des financements pour mesurer ce genre de choses, ça va être difficile. Et il faut faire ça correctement. Et surtout, enfin, ça, c'est peut-être le plus important, il faut faire ça dans un cadre éthique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va mesurer des signaux biologiques de quelqu'un, même s'il est en train de jouer à Jenga, comme ça a été fait, même s'il est en train de faire semblant qu'il est Conan le barbare, faut qu'il ait donné son consentement, il faut qu'on lui explique qu'est-ce qu'on va faire avec ses données, comment elles vont être stockées, comment son anonymat va être respecté. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un comité d'éthique externe ? C'est-à-dire que ce n'est pas juste des hygiénistes avec des gadgets qui vont mesurer, il faut qu'il y ait des gens externes qui sont ni hygiénistes ni rien, qui vont dire est-ce que c'est éthiquement correct de le faire ? Et il faut des statisticiens, et il faut, voilà. Donc on arrive à la niveau où la technologie est peut-être là, mais il n'y a pas les gens, il n'y a pas les ressources humaines. Donc c'est un des appels qui a été lancé au niveau des jeux vidéo, par des gens comme Daphné Bavelier, ou Gunberg, ou comme ça, pour dire, les fabricants de jeux vidéo, on a besoin de vous pour faire des jeux cool et vraiment spécifiques de certains réseaux de neurones. En même temps, vous allez aussi apprendre comment est-ce que vos joueurs aiment ou pas tel ou tel jeu, donc on va un peu échanger ça. Et je pense qu'au niveau GN, c'est pareil, il faut que les hygiénistes se connectent avec des neurologues, avec des psychiatres, en disant voilà, nous, on déclenche les émotions, on le fait pour le fun ou pour l'exploration personnelle et tout. Si vous, vous faites de la recherche sur l'attention, sur les liens physiques, sur, l'impact de la perception du toucher ou du stress ou de la privation de sommeil ou quoi, enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut mesurer, on peut vous fournir un cadre expérimental. Mais il faudra bien savoir que ça va être fait. Il faut que les hygiénistes arrêtent d'avoir le côté « je suis là pour m'amuser et puis c'est mon plaisir d'abord ». Non, ça va être des expériences, donc ce sera moins fun qu'un vrai GN. Ce sera beaucoup plus contrôlé, mais ce ne sera pas les orgas qui vont décider, ce sera les comités d'éthique et les scientifiques qui vont décider. Mais on peut, en collaborant ensemble, je pense, apprendre tout un tas de choses sur les fonctions humaines par le jeu, parce qu'on va fournir une sorte de micro-réalité avec différentes effectivement, fonctions qu'on va pouvoir tester selon le type du jeu et aussi selon le type de joueur, encore une fois. Qui va jouer, ça va être très important. Bien, on arrive doucement à la fin de ce podcast et on a l'habitude, du coup, à la fin de chaque épisode de cette saison, de poser une question, la même à tous nos invités. Je suis toujours très curieuse d'entendre la réponse parce que c'est souvent des anecdotes très intéressantes. Est-ce qu'il y a une expérience de jeu qui t'a marqué et dont tu souhaiterais nous parler? Alors, il y en a plein. Si je prends dans les dernières, il y a un jeu de Steve Jakubowicz qui s'appelle « Plus vite que la mémoire », où tu joues dans le futur un couple qui arrive sur notre planète et qui a le cerveau un peu... on va dire congelé par le transfert, et donc il va récupérer ses souvenirs. Et donc ça se joue à deux. Et les souvenirs sont induits par des messages audio que tu peux décider d'écouter ou pas. Et donc c'est des messages de ta vie passée, quoi. Donc ça se joue l'un en face de l'autre, et tu joues le gars qui émerge un peu de sa cryogénisation ou quoi, et tu décides ou pas d'écouter ces messages audio sur ton passé, donc tu apprends des choses sur la personne parce que t'es amnésique, donc tu récupères tes souvenirs. Et c'est un jeu tout con, t'as vraiment deux personnes dans une pièce, pas besoin de costume, pas besoin de décor, t'as juste ton téléphone avec la MP3 à écouter ou pas. Et le fait de choisir d'écouter ou pas ses souvenirs, de faire du roleplay avec la personne en face, en plus il y a une règle de pas se toucher, juste d'écrire les choses qu'on fait. J'ai joué avec un inconnu complet. C'était un homme, mais il jouait la femme de mon personnage, et c'était vraiment extrêmement, à la fois simple et extrêmement puissant. Donc je pense que c'est un exemple de, voilà, ça a clairement déclenché des émotions que j'ai ressenties physiquement, typiquement dans mon bide, et c'était juste un gars dans une pièce et des MP3 sur un téléphone, quoi. Eh ben merci beaucoup Thomas pour ce podcast, pour ta participation, pour tes réponses. Je pense que ça éclaircit un peu ces questionnements-là et pour nous et pour nos auditeurs. Merci aussi pour l'anecdote. Et puis effectivement, on recommandera le jeu de Steve Jakubowicz, donc Plus vite que la mémoire. Je crois que ça peut se trouver en ligne hein, de mémoire. Ouais, mais je crois qu'il avait fait ça pour un Game Chef ou un truc comme ça, quoi. Donc ça doit être trouvé. C'est ce qui me semble. Donc voilà, faudra fouiller sur les internets pour le trouver. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci Célène pour la co-animation. Et puis vous retrouvez Ludologie dans 15 jours pour un nouveau numéro. Ce sera d'autres animateurs parmi l'équipe de 4 de cette saison 3 qui le présenteront. En tout état de cause, on espère que vous avez appris et que ça vous a intéressé les échanges d'aujourd'hui. N'hésitez pas à écouter les anciens numéros et notamment l'interview de Thomas sur Jouer avec le corps qu'on avait fait en saison 2 si jamais vous ne l'avez pas déjà écouté. Et puis si jamais son approche, son point de vue, sa parole vous a intéressé aujourd'hui, n'hésitez pas aussi bien évidemment à aller mettre des commentaires ou des appréciations, que ce soit sur notre SoundCloud ou sur iTunes où vous pouvez retrouver le podcast Ludologie. On vous remercie, on vous retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas de jouer.